Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Ça roule, ma poule ? Ouais, faut voir, ma nuit fut cubiste, truffée de pique-assiettes. Enfin, passons. Quel est notre patient ce matin, professeur Mauduit ? Ben, c'est l'histoire d'un mec. Dossier Epsilon 006. Précisez, Mauduit, c'est qui ce mec ? Attention, Philippe Colin, en trois briques, enfoiré. Toi-même ? Schmilblick. Papy Mougeot. Salopette. Coluche ? On accueille Coluche, mais il est mort. Ben oui, oui, d'accord, mais c'était le seul client disponible ce matin. Bon, nous allons voir ça. Étudions le dossier de ce curieux patient, professeur Mauduit. Apportez au labo le dossier de Coluche, bande de feignasses. Allez, Michel, à table. Bon, passons à l'examen neuropsychologique. C'est les gribouillages de Rorschach. Ben oui, mais le problème, c'est que je les connais. Par exemple, si je vous dis que ça, c'est un papillon, vous allez me dire que je suis un schizoïde qui cache sa véritable personnalité. Alors comment on va pouvoir faire le test ? Puisque vous savez que je sais qu'il est imprudent de dire que ça, c'est un papillon. Alors, à ce moment-là, je vais choisir la solution qui va me faire passer aux yeux des observateurs comme étant le plus normal possible. Vous comprenez ? Oui, nous comprenons. Le plus normal possible. C'est la dangereuse aspiration de chacun d'entre nous, n'est-ce pas ? Mais la norme est une chimère et la mission du ministère psychique consiste à repousser les limites afin de trifouiller l'inconscient du patient, dans l'espoir, bien entendu, de te dévoiler tout ce qui se planque derrière la jolie panoplie. D'ailleurs, le professeur Mauduit va nous exposer immédiatement les étranges symptômes qui nous turlupinent chez Coluche. Alors que dire, professeur Colin ? Eh bien, primo, se trimballer en salopette de prolo avec un nez rouge, forcément, c'est louche. Ensuite, une telle aversion pour la maréchaussée ne doit pas être anodine, faut fouiller. Et enfin, penser qu'un mariole peut devenir président de la République, franchement, ça fout la trouille, non ? Encore une fois, je crois pas que Coluche ait raison de changer d'emploi, parce que quand bien même il serait élu président de la République, je crois qu'à la limite, il est plus nécessaire là où il est que là où il semble vouloir être. Oui, monsieur Bedos, pour analyser la troublante psyché coluchienne et afin de répondre aux exigences de notre gouvernement, nous établirons un diagnostic non négociable afin de savoir si oui ou non le patient Coluche peut être déclaré d'intérêt public. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais juste avant d'entamer notre séance, afin de préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien monte le son mon ami et sois le bienvenu. C'est la panique et fais connaissance avec cette schizophrène du ministère psychique. Can't buy me love, can't buy me love. For money, for money can't buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I've got I'll give to you. For I don't care too much for money can't buy me love, can't buy me love. Love. just can't buy. I don't care too much for money, for money can buy me love. Can't Buy Me Love, les Beatles, revisité par Ella Fitzgerald, mieux reprise qu'une chaussette en Fitz d'Écosse. L'expérience de l'inconscient, prise au niveau où je l'installe, ne se distingue pas de l'expérience physique. Avant tout, le ministère psychique souscrit totalement aux expériences psychotiques du vénérable professeur Lacan. Réflexion introductive à notre séance du jour, consacrée ce matin au dossier psychanalytique du cas clinique Colucci-Michel, alias Coluche himself. Et pour commencer nos investigations, le ministère psychique a recherché dans les expériences de la vie de notre patient tout ce qui pouvait dénoter de dérives psychiques profondes. Oui, mon ami, quelle fut la construction de l'architecture mentale de Coluche ? Michel Colucci est né le 28 octobre 1944 à Paris, dans le 14e arrondissement. Fils d'Honorio et de Simone, dite Monette. Jusque-là, tout va bien. Après avoir passé son certif, Michel zone au pied des anciennes fortifs en compagnie d'une bande de copains avec qui il s'adonne à la musique. Jusque-là, tout va bien. Mais en 1964, il est incorporé au 60e régiment d'infanterie à Lons-le-Saunier, où il se fait remarquer pour son insubordination aux grandes dames de son adjudant-chef, ravi de le voir quitter les lieux quelques mois plus tard. Alors, ça y est, tant mieux pour vous. Et j'ajoute, tant mieux pour nous. Parce qu'il y a des individus que, dans l'intérêt général, on n'a pas intérêt à s'en encombrer dans l'armée. Ah, le certificat de bonne conduite vous a été refusé par décision du général de division. Voilà. Ah, vous savez que sans certificat de bonne conduite, pas question d'entrer dans une administration ou dans une maison privée sérieuse. Alors, vous aurez toujours la ressource de vendre des cravates dans la rue. Je ne sais pas si vous en acheterez beaucoup. Voilà. Bonne chance. Et au plaisir de plus vous revoir. Rompez. Rompez. C'est ce que fait Coluche quand il quitte le régiment. Il travaille alors avec sa fleuriste de mère, mais cela ne dure qu'un temps. L'insubordonné Coluche se lance réellement dans la musique, et on connaît la suite. C'est Romain Bouteille, le café de la gare, c'est l'Olympia, et ses adieux au musical, et c'est surtout le succès grandissant, puis la popularité dans les 70s. Cependant, les troubles psychiques du cas Colucci se manifestent plus que jamais en 1981, en pleine campagne électorale pour les présidentielles. Eh, hey, on va pas se laisser faire, hein. Parfaitement. Vous savez ce que je dis, moi? Je dis que César ne serait pas un loup si les Romains n'étaient pas des agneaux. Je dis que César ne serait pas un lion si les Romains n'étaient pas des biches. C'est pas con ce que tu dis. C'est pas con ce qu'il dit. Ah, c'est pas con ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il dit d'autre? Ah, c'est pas con ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis d'autre? Et je dis qu'on aurait profité que César est là pour lui faire savoir qu'on en a marre. Oui. Il faut désigner un responsable, un homme à poigne, qui a pas froid aux yeux et qui va aller lui dire. Qui va aller lui dire, quoi, qu'on en a marre, quoi, qu'on en a gros sur la patate. Oui, parfaitement. Non, le mec, c'est toi. Quoi? Ben, le responsable, l'homme à poigne. Ah non? Ben, c'est bien toi le président de l'Union des commerçants. Ah, les commerçants, mais... Paulus a raison. Allons trouver le consul et que Bénur Marcel parle à notre nom. Ouais. Et v'lan, vois-tu pas que Coluche annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 1981. C'est bien une preuve de mégalomanie, ça, non? Certes, le symptôme est grave, mais tout de même pas autant que d'y penser en se rasant. Sauf que cette candidature burlesque n'a pas laissé les bien-pensants indifférents, tels l'immuable Rouanet et garde des Sceaux giscardien Jean Le Canuet. Chaque citoyen français, naturellement, a le droit de se présenter. Le Canuet, il l'appelle, il n'y en a qu'un. Néanmoins, il faut que la candidature ait un caractère sérieux. Ah ben, on veut bien nourrir celui-là, mais on va pas faire un élevage non plus, hein. Pas déconner. C'est-à-dire, et la compétence, et même la volonté, d'assumer toutes les obligations de la Constitution. Ce Canuet, on sait pas trop ce qu'il fait là non plus. Moi, j'ai l'impression qu'il a dû être premier dans un concours de circonstances. Alors, nous verrons s'il y a 500 maires pour... prendre la responsabilité de la candidature sur laquelle vous m'interrogez. Ouais bien, il est pas fini, hein, Canuet. Enfin, on sent qu'il y a de la place dedans, quoi. On pourrait habiter à plusieurs encore. Ce genre de candidature sert d'exutoire. Moi, j'ai pensé à le Canuet tout de suite, je me suis dit, tiens. Alors, ce sont des candidatures soupapes qui servent à faire jaillir un peu de la vapeur contenue à l'intérieur des partis d'opposition. Dans le Poste, ils l'ont interviewé pour la bombe à Étron, là. Bon, il a répondu, je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. Une candidature soupape, estimait le Cato Bigot Le Canuet. Mais comme chacun sait, Coluche abandonne assez vite la lutte présidentielle. Il peut alors fourrer son nez rouge dans toutes ces radios libres qui viennent d'être autorisées par le nouveau président Mitterrand. Car Coluche, avec la radio, il développe un trouble schizo-affectif très profond. Bon, bien entendu, il est associé à une grosse radio commerciale privée, là. Mais des recherches approfondies du ministère psychique prouvent que Coluche a également sévi sur une grande chaîne généraliste et publique. Radio France, communiqué à lire sur France Inter le dimanche 30 novembre à 12h44. J'y vais alors, hein. Voilà, alors, les prochains enregistrements du jeu des 1000 francs auront lieu en Charente-Maritime. Alors, levez-vous, hein. Voilà, mardi 2 décembre, c'est ça. À Surgères, à la salle des fêtes, sélection et enregistrement à 18h30. Le mercredi 3 décembre, c'est-à-dire le lendemain, pour ceux qui n'avaient pas pu venir la veille, vous prenez, vous allez, il y a un car qui va à Sainte, à la salle centrale, ce coup-là. Sélection et enregistrement à 18h, pas 18h30, vous ne faites pas piéger ceux qui croyaient que la veille, parce que c'était pareil que le lendemain, ils ont faux. Et alors, dans la Loire aussi, le dimanche 7 décembre, ceux qui veulent, parce qu'il y a des gens dans la Loire qui disent « Quoi, le jeu des 1000 francs vient jamais là, merde, qu'est-ce qu'ils foutent ?» Alors là, c'est à Saint-Étienne, quand même. Vous pouvez y aller, c'est à Saint-Étienne. Ils disent pas où, ils disent pas l'heure. Mais ça, vous vous démerdez, celui qui trouve, il gagne un concours. Ah ben ouais, hein, mais ça, à force de se moquer de France Inter et de ricaner sans cesse de tout ce qui représente l'ordre établi, c'est certain qu'un jour, Michel Colucci, il aurait des comptes à rendre. Coluche, vous êtes inculpé d'escroquerie, article 405 du Code pénal, publicité mensongère, article 44 de la loi du 27 décembre 73, usurpation de fonction, article 258 du Code pénal, ça, outrage bien. À la fonction présidentielle, article 26 de la loi du 29 juillet 1881, abus de confiance, article 408 du Code pénal, désertion, article 378 du Code de justice militaire, abandon de poste, article 448 du Code de justice militaire, et opportunisme. Coluche, vous êtes servi de la politique pour accroître vos intérêts d'artiste. Vous avez trompé les gens prêts à voter pour vous. Dans Le Monde du 17 mars 81, ça, ferait, tu sais bien. Vous avez dit « Je me fous de la politique, j'ai fait ça pour me faire de la pub gratuitement et qu'est-ce que ça marche bien ?» Il était bourré, président. Oui, enfin, bourré ou pas, les troubles du comportement de M. Coluche sont suffisamment prononcés pour que le ministère psychique se penche sur son cas. Et comme à chaque fois, après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que Coluche est réellement dangereux pour notre société. Et pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi, ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Très bien. Professeur Colin, vous avez sans doute remarqué que dans quelques jours, Antoine Decaune va sortir un film sur Coluche. Pourquoi pas, comme disait Charcot. D'ailleurs, au passage, vous avez remarqué que c'est le second film qu'Antoine Decaune consacre à un personnage historique. Le premier, en 2002, portait sur Monsieur N. Mais non, pas Monsieur Nicolas, voyons, c'était Monsieur Napoléon. Alors, oui, j'en vois certains qui se disent « Antoine, il Decaune, comment passer de Napoléon l'Empereur à Coluche, le clown ? C'est pas possible, cet Antoine Decaune, il a sûrement dû en fumer un des deux !» Alors moi, j'ai cherché à comprendre les méandres psychiques qui ont conduit Monsieur Decaune à passer de la redingote grise à la salopette bleue. Et j'ai trouvé le lien évident qui réunit Napoléon Bonaparte à Michel Colucci. C'est l'histoire authentique du soldat Coluche, bien entendu, il y a 2 siècles, en 1809. Je vous explique. Ce siècle avait 9 ans, l'Europe était une tarte que Napoléon confiait au Bonaparte. Le 3 mai 1809, en pleine campagne contre l'Allemagne et contre l'Autriche, après la prise de Ratisbonne et à quelques jours de la victoire d'Essling, le soldat Coluche s'est distingué au cœur de la Grande Armée. Mais qui est ce soldat Coluche ? Eh bien, il s'agit de Jean-Baptiste Coluche, né en 1780, soldat au 17e régiment d'infanterie légère. Ainsi, le soir de la bataille d'Ebertsberg, qui fut un véritable bain de sang à l'avantage des Français, le soldat Coluche fut placé en faction devant la porte d'une bicoque occupée par l'état-major. Coluche avait la consigne absolue de ne laisser entrer personne, sauf accompagné d'un officier. Soudain, dans l'obscurité de la nuit tombante, un homme s'approche. « On ne passe pas !» hurle Coluche. L'homme avance. Coluche s'apprête au combat. « Si tu fais encore un pas, je te fous ma baïonnette dans le ventre !» L'homme s'arrête. Oh, c'est l'empereur. Coluche n'avait pas reconnu Napoléon avec sa redingote. Ouh, la grosse boulette. Oui, oui, professeur Colin, oui, vous allez me demander. Mais qu'a dit Napoléon quand le soldat Coluche l'a menacé de mort ? Un truc du genre, vas-y, si t'as quelque chose à dire, toi, t'as qu'à venir ici. Ou alors un charmant, oh, casse-toi, pauvre con. Eh bien, non. Coluche fut simplement félicité d'avoir si bien obéi aux ordres. Pour terminer, un détail. En juin 1862, le soldat Coluche, devenu vieux mais toujours vaillant, se présente à Fontainebleau pour y rencontrer l'empereur Napoléon III, ravi d'entendre le vieux rat à poil raconter une nouvelle fois son histoire. Coluche demande ensuite à voir l'impératrice et Eugénie Arifissa. Oui, d'accord, professeur Colin. Je vois sur votre visage chafouin à quel point vous vous interrogez sur le rapport qu'il peut y avoir entre le soldat Coluche et le clown Colucci. Eh bien, je vous réponds, en effet, je crois qu'il n'y a pas de rapport entre ces deux hommes, en tout cas très peu, tout autant aussi peu qu'entre l'empereur Napoléon et le président Sarkozy. Quoique, vu comment c'est parti, on l'a tous constaté, en ce moment, la situation empire. Excellent, professeur Mauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre patient. Troubles psychotiques évidents. Mais le ministère psychique traque la vérité, la sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller les déviances comportementales qu'a pu développer le patient Coluche. Dans l'immédiat, écoutons un patient chronique du ministère psychique à qui vous pourriez tendre la main, monsieur Coluche. J'ai aimé comment votre main par instant modulait le son. De la modulation, votre main fouillant, Michouko boîte à gants, votre main dans mon cou. Il y a un temps pour tout, j'aime votre visage à la lumière du péage, aime ces discussions sous le panneau des directions. J'aime vos théories sur les autoroutes la nuit, j'ai aimé dormir chez vous. Il y a un temps pour tout, j'ai aimé comment. Vos yeux de temps en temps suivaient le chemin. Un doigt sur le Michelin, vos yeux démasquants. Une sortie monte au banc, vos yeux près des miens flous. Il y a un temps pour tout et j'aimais votre visage à la lumière du péage, aimais ces discussions sous le panneau des directions. J'aimais vos théories sur les autoroutes la nuit. J'ai aimé dormir chez vous. Il y a un temps pour tout. Et j'ai aimé votre visage à la lumière du péage. Aimé cette discussion sous le panneau des directions. J'ai aimé vos théories sur les autoroutes la nuit. J'ai aimé dormir chez vous. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, selon M. Vincent Delerme. Ainsi, passons à l'étape suivante. Trifouiller la face cachée du patient, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez le patient. Alors, en compagnie du professeur Mauduit, nous avons donc constaté que l'architecture mentale du patient Coluche semble pour le moins complexe. Saltimbanque décomplexé, il entretenait une image de cador anticonformiste. Une posture difficile, comme nous l'a si bien appris d'ailleurs Eugène Ionesco, maître de l'absurde, dans son célèbre Rhinocéros, où nous découvrons qu'un anticonformiste, par son inversion déroutante des valeurs, devient au final une bête de foire à ses propres yeux comme aux yeux d'autrui. Résultat, piégé par sa grande gueule, Coluche n'avait d'autre choix que d'être à la hauteur de sa réputation et de pousser toujours un peu plus loin la provocation. En ce qui concerne la violence, il faudrait taper moins fort, surtout la police. Si, pour moi, les gens les plus violents, les plus dangereux sont ceux qui ont des armes, et ceux qui ont des armes, c'est surtout la police. Alors en ce moment, je sais pas, il doit plus y avoir à boire dans les commissariats, ils sont tous dehors. Alors je sais pas ce qu'ils foutent, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes qui viennent de là. C'est certain que si des commissaires de police passaient pas des arabes à la Gégène et que si des commissariats entiers allaient pas tabasser des arabes dans des bistrots dans le nord, certainement que les Français prendraient moins l'exemple. On entend toujours les hommes politiques dire qu'il faut changer la mentalité des Français. Eh bien commençons par changer la police. Et voilà, là, avec la police, c'est un flagrant délit psychique. Avec le professeur Mauduit, nous avons en effet découvert que nous touchions ici le nœud du problème chez le patient Coluche. Oui, car le flic, c'est la face cachée et refoulée chez Coluche. Le bonhomme était un comique troupier, certes, et qui matraquait allègrement la maréchaussée, mais en réalité, Coluche rêvait inconsciemment de faire régner l'ordre. C'est pourquoi, de la hiérarchie policière, il a gravi tous les échelons et bien sûr, il débuta sa carrière à la circulation. Hey, c'est un métier où on en voit quand même des drôles. Tiens, l'autre jour, j'étais de faction à une intersection affectée à la surveillance des usagers. En clair, je bulais un carrefour. Il arrive un mec qui tournait autour de moi avec un papelard, on aurait dit qu'il cherchait une rue ou quelque chose. Il osait pas s'adresser à moi, on aurait dit qu'il avait peur. Vous voyez, genre un type louche, un peu basané, vous voyez. Parce que nous, on nous apprend à reconnaître les mecs louches. Hein. Attention. Celui-là, si vous voulez, était pas franchement louche, mais était franchement basané. Hein. Alors, je disais rien, il s'approche, il tourne, et puis alors je sentais qu'il osait pas. Et il venait, mais il y venait tout doucement, vous voyez, c'était le genre de mec patibulaire, tu vois, mais presque. Finalement, il s'amène et puis il me dit « Pardon, monsieur l'agent, s'il vous plaît, excusez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que s'il vous plaît, vous m'indiquez que celui-là qui est le commissariat de police plus proche, s'il vous plaît. Excusez-moi, parce que j'ai à part de mon papier d'identité, je dois en faire une déclaration, s'il vous plaît, excusez-moi. » Je me suis dit « Toi, mon petit gars, t'as pas la conscience tranquille. » J'ai dit, ouais, vous avez au papier. Il les avait pas, ils ont seul emmené au commissariat. Oui, alors là, tu te dis, arrête, mon sang, c'est de l'ironie, bien sûr. Eh bien, que nenni. Oui, régulièrement, Coluche endossait la peau d'un flic, telle une obsession monomaniaque. D'ailleurs, le ministère psychique possède quelques documents irréfutables qui confirment la véracité de notre théorie. La preuve par l'exemple, mon ami. Vous voyez, par exemple, j'ai fait un sketch sur les flics. Or, je trouve que c'est une profession vachement bien. Je trouve que c'est mal fait. Mais je trouve que c'est bien comme profession. Parce que si vous allez à Londres et que vous êtes bourré le soir, le flic vous raccompagne chez vous. Hein ? Si vous êtes paumé dans la rue, il vous accompagne. Hein ? Quand vous demandez un renseignement en France, il vous demande vos papiers. C'est pas pareil. Et pourtant, chaque fois, c'était pareil. Quand Coluche maltraitait la maréchaussée, nous étions en réalité dans une posture authentiquement contrariée, une souffrance quasi masochiste, tant le transfert coluchien sur la police était intense. Sa soif de justice transpirait, et la névrose de Coluche l'a fait passer à l'étape suivante. Lorsqu'il incarne Lambert dans Ciao Pantin en 1985, c'est évidemment le pendant franchouillard de Charles Bronson, un justicier dans la ville, fantasme ultime du flic solitaire à la retraite qui canarde à tout va. Boer, qu'est-ce que vous voulez de moi au juste? Où étiez-vous cette nuit, Lambert? Je suis officiellement chargé de vous poser la question. Il était avec moi. On a baisé toute la nuit. Et si je vous disais, inspecteur Boer, cette nuit je suis allé chez Rachid, je l'ai descendu et après j'y ai foutu le feu, qu'est-ce que vous diriez? Vous avez un alibi, ça va? Enfin, moi, je crois à ma version. Un justicier. Qui aurait des méthodes plus expéditives que celles de la police. Un homme qui réglerait des comptes. Disons, avec son passé, c'est pas impossible. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense pas, moi. Seulement voilà. À force de vouloir se faire justice soi-même, le flic Coluche a fini par dépasser la ligne jaune et en septembre 1985, sa névrose policière le conduisit jusqu'à l'abavure, bien sûr. Coluche, condamné à 2 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir injurié un gardien de la paix en des termes qui ne sont vraiment pas convenables, du moins à la radio, disons que Coluche a à deux reprises douté de la virilité du gardien de la paix. Coluche, qui n'était pas présent lors du jugement, dispose d'un délai de 11 jours pour faire appel, et vous allez l'entendre, il persiste et il signe. La vérité, c'est que le mec est venu sonner à la porte et qu'il m'avait déjà aligné. Alors, je lui ai dit que ça suffisait qu'il m'aligne tous les jours, 4 fois par jour, il vient de m'aligner. 4 fois par jour, j'ai une demande d'enlèvement devant ma porte pour mes bagnoles. Et en plus, il est venu sonner pour me dire qu'il m'avait aligné. Alors, je trouve que c'est déjà bien que j'y ai pas mis un pas. Hein. Est-ce que vous allez faire appel, monsieur Coluche? Je crois que j'ai pas le choix. Hein. Vous n'avez pas envie de faire une expérience en prison? J'en ai déjà eu 3, des expériences en prison. Ah ouais. Je vous ai pas attendu, ma poule. Ma poule, c'est Elisabeth Martichoux de France Inter à qui Coluche répondait. Alors, pour résumer, que dire? De prime abord, agitateur public et iconoclaste, Coluche était en réalité fasciné par l'uniforme et le goût de l'ordre. Car une telle répulsion affichée pour la police française révèle sans aucun doute des troubles psychiques évidents. Parce que tout le monde aime la police. C'est bien Charles Pasqua qui disait que seuls les malfrats et les voyous ont la trouille des flics. Les honnêtes gens, eux, ils aiment la police. Ben voyons. C'est vrai, c'est ingrat la police. Parce que par exemple, parce que je vois, parce que les gens ils nous aiment pas. C'est con, hein, parce que nous on est là pour les protéger. Hein. Et bien remarquez les gens, plus il y a de flics autour d'eux, plus ils ont peur. C'est flagrant, c'est dans les manifs. Les gens ils ont peur, hein. Parce que nous on est là, bon, et on est obligé de taper. Hein. On le fait pas pour le plaisir, hein. On est obligé, hein. Alors maintenant, afin de confirmer notre théorie sur le refoulé chez Coluche, nous avons demandé à l'interne psychédélique du ministère psychique, mademoiselle Claire-Sophie Collet, de mener une enquête un peu plus approfondie sur cette caractéristique troublante du patient. Professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble ses conclusions. L'interne, pointez-vous au labo, bordel! Allez, hop! Démonstration! Non, messieurs les professeurs, non! Je ne peux pas continuer à vous laisser dire ce genre de choses. C'est n'importe quoi. Je suis désolée. Si Coluche avait une obsession pour l'autorité, ce n'était pas du tout pour être à la tête d'une brigade policière, mais à la tête d'une brigade culinaire. Voilà. Mettez ça au menu ce soir. Mais chef, vous avez tout mangé. Vous mangez tout, d'ailleurs. Ben oui. C'est bien, mais j'aime ça. J'aime ce que je prépare. Ça vous dérange pas, au moins ? Eh bien si, justement, ça a dérangé. Parce que catalogué de vulgaire, Coluche a dû faire la preuve de ses qualités de gastronome. C'est lui qui doit passer des tests. Ne t'inquiète pas, tu vas réussir. Bon, mais je vais essayer. Vin soi-disant du sud de la France, composé en réalité d'un tiers de vin italien, d'un tiers de vin grec, et le reste de colorants et produits chimiques. Et ce toquet de Coluche ne fait pas vraiment la fine bouche lorsqu'il s'agit de se montrer autoritaire. Tu reconnais ton erreur. Très bien. Alors comme ça, tu accepteras mieux la punition. Quelle punition ? Je te donne le choix, tiens. Tribunal militaire ou 10 fois le tour du camp ? Mais... 20 fois. Capitaine, je suis un officier. Vous m'en ferez 40. 40 fois le tour de la place d'armes en courant. Et tout de suite ! Et sans discuter, sans ça, c'est le tribunal militaire. Désormais, reconnu et respecté, ce tyran culinaire s'était secrètement fixé un objectif. Le fameux guide du chemin. Quelle que soit leur renommée, tous appréhendent la visite d'un des mystérieux inspecteurs du célèbre guide. La satisfaction du client est la seule politique de la maison. Monique Tardy, responsable des restaurants du cœur de Meaux Argonne. Les gens viennent, on les fait rentrer par 10. Il y a le vestiaire, il y a la bibliothèque, il y a l'accueil café, et tout est là, au même endroit, les gâteaux... Je vous ai dit 100 fois de vous tenir voûté comme ça, autrement, comme ça, naturel, normal. Là, je vais vous expliquer. N'oubliez pas qu'ici, vous êtes dans la cuisine, et au-delà de cette porte, c'est la salle. Et dans la salle, il faut servir. Et servir, c'est sourire. Et le sourire, c'est notre pourboire aux clients. Voilà. On a un retour immédiat, on a la personne devant nous qui a le sourire, on sait qu'on lui fait plaisir. Il y a d'autres, quand vous versez de l'argent, 20 euros à quelque chose, c'est peut-être tout aussi bien, mais vous n'avez pas ce retour immédiat. Tous les produits sont là ? Oui, monsieur le directeur. Alors je vais commencer. On a des produits frais qui nous viennent des magasins. Tout le monde peut le manger de manière différente, tout à fait. La nourriture est variée, oui. Bon, vous avez fini votre rapport ? Le voici. Très bien, merci. Ils ont peut-être décidé de s'agrandir ? Ben, il faudrait en être certain. Le guide paraît dans un mois et je me vois mal distribuant sans le savoir des étoiles à ce marchand de conserve. La décision de l'inspecteur fut sans appel. Coluche ne sera jamais un chef étoilé. Et vexé que son talent ne soit pas reconnu, mais toujours dans la volonté de servir son prochain, Coluche se permet alors un dernier pied de nez roublard. Moi je file un rancard à ceux qui n'ont plus rien. Sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. Je ne promets pas le grand soir, mais juste à manger et à boire. Un peu de pain et de chaleur dans les restos du cœur. Bien. Le professeur Mauduit et moi-même remercions l'interne insolente du ministère psychique pour son point de vue contradictoire sur le refoulé chez Coluche. Au passage, n'hésite pas à filer un peu d'oseille au Resto du Cœur, ils ouvrent bientôt leurs portes. Mais bon, poursuivons notre analyse et prenons le temps d'une courte pause de musicothérapie où nous allons découvrir une autre pathologie psychique du patient en totale contradiction avec les sacro-saints principes de notre gouvernement. À toi l'enfant qui vient de naître, je dois dire pour être honnête que ce n'est pas en travaillant qu'on trouve le bonheur sur terre. J'en veux l'exemple que mon père, qui vit le jour de son enterrement, qu'il était le plus riche du cimetière. Sois feignant, tu vivras content. Sois feignant, tu vivras longtemps. Plutôt que d'apprendre à l'école, baise et collectionne les véroles, la médecine fait quelques progrès. Tandis qu'à gagner du bagage, tu n'aboutirais qu'au chômage, où déjà se sont entassés ce qu'on crut dans la société. Sois fainéant, sois fainéant, tu vivras content. Sois fainéant, sois fainéant, tu vivras longtemps. Moins tu en fais, plus tu laisses faire, plus ta santé déjà précaire te libère de ses tourments. Gagner ta vie ne vaut pas le coup, attendu que tu l'as déjà, le boulot y en a pas beaucoup. Faut le laisser à ceux qui aiment ça. Sois fainéant, sois fainéant, tu vivras content. Sois fainéant, tu vivras longtemps. Si jamais tu voles un copain, tu en auras moins de chagrin que si tu n'as pas à manger. Et si t'as la main sur le cœur, n'hésite pas à la couper, tu entendras moins les moqueurs. Si c'est toi qui les as roulés, sois fainéant, tu vivras content, sois fainéant, tu vivras longtemps. Voilà, c'était mon héritage, comme tu vois, j'ai fait mes bagages, je te laisse avec ta maman. Tu perds rien, j'ai pas le gros lot, et tant pis pour toi si je triche, tu seras peut-être un enfant de salaud. Mais tu seras pas un gosse de riche. Sois fainéant, tu vivras content. Sois fainéant, mon enfant, l'avenir t'attend. Sois fainéant, le savoureux conseil de notre joyeux patient. France Inter, 12h30. Encore ? Tout augmente, hein, c'est dingue. Alors, après avoir trifouillé les aspérités refoulées chez Coluche, passons dès à présent à la propagation des syndromes coluchiens. Oui, mon ami, où se nichent les dérivés psychotiques de notre curieux patient, car figure-toi que les névroses de Coluche sont contagieuses. Et pour commencer, nous avons soumis son dossier à une analyse critique inspirée du psychiatre suisse Carl Gustav Jung. En effet, un spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, M. Yvan Beaujolais, a tenté d'expertiser les influences de Coluche dans le discours politique. Professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien. L'expert jungien, pointez-vous au labo, analyse. D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, etc. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. J'amène le nouveau fouille-ménage. Oh, j'ai regardé dans sa bibliothèque, il lit des bouquins, je comprends même pas le titre. Et il a réfléchi sur sa condition et tout. Hein. Monsieur Georges Marchais, bonsoir. Entre nous, les patrons, ils aiment bien les moutons et ils aiment bien les loupards parce que les uns et les autres leur laisse le champ libre. Si la société nous rejette, c'est parce qu'elle veut oublier que c'est elle qui nous a créés, là. J'ai mis sur votre bureau un dossier complet sur chacun des pensionnaires de l'Institut. Le 24 juin 1997, dans les colonnes du journal Le Monde, il annonce son intention de dégraisser le mammouth. Ah, il y a les contrepétries aussi, qui sont très bien. Des, par exemple, mammouth écrase les prix. J'ai dit ça dans une conversation privée, mais enfin... Qui vous fait dans l'autre sens, mamie écrase les proutes, eh oui. C'est la même chose, j'ai dit que je veux faire décroître l'importance des administrations centrales. J'étais à l'école vachement longtemps, moi. Les enseignants, ils ont 4 mois de vacances. Et ils prennent les congés formation en plus sur la scolarité. Jusqu'à temps qu'ils ferment, c'est pas dur. J'aurais bien travaillé dans l'administration, hein. Mais toute la journée à rien foutre, c'est dur. Mais c'est-à-dire que vous savez, l'administration en France, c'est très fertile. On y plante des fonctionnaires, ils poussent des impôts. Et sur l'un des sujets politiques polémiques du moment, la suppression de 22 000 postes de fonctionnaires dans le budget 2008, le Premier ministre défend l'action de son gouvernement et il propose un deal aux agents de la fonction publique. Comme on est trop endetté, quel que soit le gouvernement, il est obligé de réduire la dépense publique, de réduire le nombre de fonctionnaires, d'améliorer le fonctionnement de l'État. Il faut que les fonctionnaires acceptent la diminution des effectifs. Alors j'arrive, mon vieux pas de bol, il nous donne du travail comme 4. Heureusement, on était 8. Permettez-moi de vous rappeler qu'il n'existe pas de règle générale. Chaque patient a sa propre personnalité. Il a en lui certaines des qualités qui différencient l'espèce humaine de la boue dont a surgi la vie, ce limon dont nous sommes issus. Le ministre de l'Intérieur était aujourd'hui à Marseille. Tout le monde se plaint maintenant. Alors vous ouvrez le journal pour apprendre que 20 Portugais, hommes, femmes et enfants, vivent dans la même pièce, un taudis dégoûtant et une photo story. Il a plaidé pour une politique de l'immigration choisie. Ces gens-là n'ont pas raison de se plaindre. On n'est pas allé les chercher. Nous allons passer d'une immigration subie à une immigration choisie où chacun sera gagnant. Par un système de points permettant d'accueillir ceux que nous souhaitons. Les visas, ça se délivre pas en fonction de la place dans la liste d'attente, mais en fonction de la qualité des demandeurs. Et puis qu'est-ce que c'est que ces Portugais qui viennent retirer le pain de la bouche à nos Arabes? Oui, Coluche a beaucoup influencé l'inconscient du discours politique français. Et selon notre expert jungien, il y en aurait même des kilomètres. Cela dit, fort de son expérience au cœur de la sphère politique, figure-toi que Coluche aurait très bien pu devenir aujourd'hui un conseiller politique occulte très avisé. Tiens, par exemple, il possédait un évident don prophétique. Française, Français, cette année c'était très bien, l'année prochaine ça sera pire. Eh oui, mesdames, messieurs, le pays va mieux que l'année prochaine. Nous envisageons un redressement dans 5 ans. En effet, dans 5 ans, nous serons considérés comme un pays sous-développé auquel viendront en aide les pays industrialisés. Oui, Coluche, la crise, il maîtrise et au moins c'est la franchise. Il faut dire que nos dirigeants ont vraiment besoin de conseillers pour les éclairer dans la jungle capitaliste. Bon, c'est sûr, à force de refuser d'écouter ceux qui, depuis des décennies, annonçaient cette catastrophe financière, bah, c'est clair, ils ne l'ont pas vu venir, la crise. Mais maintenant que la ruine menace les petits épargnants, le mieux, encore une fois, c'est de demander conseil et de consulter le mec en salopette. Vous dites dans votre chanson qu'on a entendu au début, je préfère faire rigoler le prolo. Oui, c'est ça, bah parce que c'est quand même lui qui a le besoin le plus de se marrer. On a beau dire, parce que les mecs qui ne sont pas, enfin, qui ont un peu de monnaie et qui se débrouillent pour faire les courses, ils se marrent quand même mieux que les autres, on a beau dire. Et vous pensez que quand on habite le 16e, on ne va pas voir Coluche? Chacun fait ce qu'il veut, ça les regarde, mais ça, je préfère... Si les gens viennent et que ça les fait marrer, moi je suis pas contre, hein. Mais enfin, par goût, c'est vrai que je préfère faire rire les gens qui se marrent pas dans la vie, parce que je sais pas si vous avez déjà bossé en usine, mais pour se marrer à l'usine, faut un paquet d'humour, hein. Ah, ben non, ça, jamais, ils n'ont bossé en usine au gouvernement. Bon, parfois, c'est vrai, ils en ont visité, des usines, pendant les campagnes électorales. Mais bon, en général, ils ne la croisent jamais, là. Misère, misère, c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère, ça sera donc toujours les salauds qui nous boufferont le caviar sur le dos. Misère, misère, tu te fais l'ennemi des petits, tu te fais l'allié des pourris. L'argent fera bien le bonheur des pauvres, ce qui sera la moindre des choses. Convenons-en, convenons-en. Oui, le citoyen Coluche a toujours développé une sensibilité aiguë face à la misère du monde. Et soyons certains que devant la situation actuelle, face à la mouise, il aurait été un merveilleux expert pour recadrer l'hôtel Matignon. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Nous sommes dans un pays qui a pris énormément de retard. Ça va, ma poule ? C'est pas mon genre, c'est d'avoir fait changer la nature des débats dans notre pays. Mais t'es fou, toi ? Ça fait mal ? Personne, aucun économiste sérieux ne propose cela. Ils sont gentils. C'est pas tous des lumières, mais enfin, ça t'es au courant. On va devoir changer nos habitudes, aller vers des formes d'énergie nouvelles. Allez, dis pas de bêtises. Il faut changer de modèle de développement économique. Évidemment, oui. Il y a des fois où t'es contre, il y a des fois où t'es pas pour, quoi. Oui, je comprends. Quand on fait tout en même temps, il est naturel qu'on puisse provoquer ici ou là des crispations. Bon, tu mets tes mains sur ta tête, tu vas au coin. Allez hop ! Là, on est au cœur du problème de notre pays. On a accumulé tellement de déficits... Merde ! Merde ! ...qu'on a aujourd'hui des difficultés à obtenir la croissance que l'on souhaite, parce que les moyens publics pour investir sont insuffisants. Pleure pas, mon grand, va. Hein ? T'es un grand. Et on est en train de préparer pour nos enfants une dette qui est une dette insupportable. Eh ben, bois pas si vite, on va pas te le prendre. La feuille de route est parfaitement respectée. C'est très important parce que la confiance, c'est justement ce qui manquait le plus ces 20 dernières années. Allez, dis pas de bêtises. On a en termes de croissance des résultats qui sont désormais dans la moyenne européenne alors qu'on était en dessous. Tu déconnes, là. On a des résultats en matière de chômage qui sont des résultats qui s'améliorent de façon très très importante. Tu fais le con là ! Et donc les réformes que nous conduisons, contrairement à ce qui est dit souvent, elles commencent déjà à donner des résultats. T'as pas recommencé à déconner ? Et donc moi j'ai le regard rivé sur cet objectif et le reste je ne le vois pas. Alors maintenant t'éteins et tu dors. Alors maintenant t'éteins et tu dors. Une mesure radicale. Cela dit, la propagation des névroses et du saltimbanque au nez rouge ne se cantonne pas uniquement au monde merveilleux de la politique, justement. Car figure-toi qu'au ministère psychique, certains de nos patients sont également sujets à de violents troubles coluchiens. D'ailleurs, l'un de nos pensionnaires à vie, trépané deux fois, que nous appelons ici long corps chétif, t'offre ce petit présent. C'est la tradition, les malades ont la parole. Ouais, je voudrais aujourd'hui dédier une poésie à ceux qui sont fous, un peu ou beaucoup. Mon poème s'appelle « Folie ». Non, attends, arrête. Je vous préviens tout de suite, hein, je m'adresse aux fous. Les autres, les saints d'esprit, le royaume des cieux leur appartient déjà, donc faut en laisser un peu pour les autres. Moi, je m'occupe des brebis gâteuses. Donc je reprends. Rejoue du tambour. Folie ! C'est le titre de mon petit poème. C'est pour tous ceux qui ont un grain, comme le café. Vous allez voir pourquoi. Non, attends, arrête encore. Bon, j'en vois encore qui sont là et qui ne sont pas concernés. J'ai dit que je m'adressais uniquement à ceux qui ont dans la tête un fil qui fait masse. Donc je me répète, mais les bien portants, là, ceux qui, quand ils se lèvent, la première chose qu'ils font, c'est de refaire leur lit, vous pouvez disposer. Ah, mais ça s'incruste en plus. Vas-y, balance la sauce. À tous mes amis fous, j'offre cette petite poésie qui s'intitule « Folie ». À toi qui as un grain, comme le café, tu dois savoir que la folie, c'est justement comme le café le matin. Quand il n'y en a pas, tu n'as pas de bol. Quand t'en as trop, tu bois la tasse. Non, je suis trop fort là. Je vais m'inscrire au prix Goncourt. Au moins, je boufferai au resto de Rouen. Ça fait une trotte, mais tant pis, va. We'll be right back.